Times Square. c'était de Plastic Jazz Orchestra avec la pièce Mosaïque, publiée sur l'excellent netlabel Headphonica. Toujours sur le même netlabel, on avait débuté avec Bjorn and Garden, c'était la pièce Model Job Metro Times Square, donc avec un peu de paroles avec distorsion autotune. D'habitude, c'est vraiment pas endurable autotune, mais avec ils l'ont tellement déformé que ça la rendait tolérable. Donc, on poursuit avec un mélange de breakcore et de musique des Balkans. C'est Icola et je vais vous faire entendre la pièce Amen Gypsy. On écoute ça tout de suite à Web Music. We'll be right back. vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre la pièce Amen Gypsy. C'est par E. Coli, donc publié sur l'excellente étiquette Ringe Raja Records. Donc, ils ont toutes sortes de mix dans ce genre-là. Il y a toujours un peu de musique des Balkans mélangée avec du drum and bass, musique techno. Donc, drôle de mélange, toujours intéressant. Allez voir qu'est-ce que Ringe Raja Records a vous proposer, c'est toujours assez flyé comme truc. On va poursuivre avec deux artistes publiés sur Dusted Wax Kingdom. On va tout d'abord entendre Mr. Moods, un artiste de la ville de Laval. Ça va être sa pièce Rampage, puis ensuite de ça, c'est Peach Stealing Monkeys avec une reprise de la pièce Bang Bang avec Nancy Sinatra. Vous allez voir, vraiment intéressant. Donc on écoute tout de suite Mr. Moods à Web Music, on écoute sa pièce Rampage. fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Change the time. When I grew up, I call him mine. He would always laugh and say it. Remember when we used to play? Bang, bang, shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Version, ma foi, fort intéressante de la pièce Bang Bang par Nancy Sinatra. Donc, c'était Peach Stealing Monkeys, un artiste publié sur Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui nous vient de la ville de Varna en Bulgarie. Avant ça, c'était Mr. Moods qui est lui aussi publié sur Dusted Wax Kingdom. C'était sa pièce Rampage. Je vous suggère de télécharger son album The Strings of Life, un album long jeu vraiment intéressant. Dans les ambiances, down tempo, ça scratch un peu. Donc, un album vraiment intéressant. Je vous invite à le télécharger. Comme tous les albums de Mr. Moods, c'est toujours vraiment excellent. Donc, on va poursuivre avec un artiste de l'Espagne du nom de Gumbel. Je vous fais entendre sa pièce Wrong Dreams. C'est publié sur l'étiquette Pickpack. On écoute ça tout de suite à Web Music. We'll be right back. De l'Espagne, c'était Gumbel avec sa pièce Wrong Dreams, publiée sur Pickpack. Donc, on poursuit tout de suite avec un artiste publié sur Black Lantern Music, un excellent net label qui nous vient de l'Écosse. L'artiste s'appelle Morphamish. Je vous fais passer la pièce Face the Darkness.

attrape la fumée. Tu voles tout. Mais j'ai encore mon âme. Tu veux reprendre mon âme. Peut-être j'ai failli. Tout peut-être. Thank you. C'était Antipodo, donc des deux artistes, donc Polar et Yota Aene, deux artistes publiés sur Epasonidos, une étiquette qui nous vient du Chili. C'était la pièce Seca. Avant ça, c'était Black Era, donc publié sur A Quiet Bump. C'était la pièce I've Been Silent Enough, tirée de leur album Mute EP, un excellent album que je vous invite à télécharger de façon gratuite. Pour y avoir accès, ben, vous avez juste à vous rendre sur la page de Web Music. C'est au www.webmusic.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, on va poursuivre avec une pièce d'À la claire ensemble. C'est tiré de leur album Un Piu Piu parmi tant d'autres. Album vraiment excellent. Je vous fais entendre la pièce Wow. Ensuite de ça, c'est Music for Rabbits avec la pièce Miami Tanga. Vous allez voir une pièce complètement pétée. Donc, on écoute tout de suite À la claire ensemble à Web Music. We'll be right back. De la Belgique, c'était Music for Rabbits avec la pièce Miami Tanga. C'est tiré d'une compilation intitulée Evergreens and Auditunes, publiée sur l'excellente étiquette Headphonica. Donc, une compilation vraiment remplie, toutes sortes de trucs aussi bizarres que la pièce que vous venez d'entendre, des trucs un peu plus normaux, en guillemets. Donc, une compilation à télécharger absolument. Avant ça, c'était À la claire ensemble avec la pièce Wow. C'était tiré de leur album Un Piu Piu parmi tant d'autres. On va écouter cette fois-ci une pièce de Newman. La pièce s'intitule Skull Crusher. Attachez votre tuque. We'll be right back.

Cette émission vous est présentée par Avatar, Centre d'artistes.